Urban Eriksa. Ouais, ouais. So you wanna be a rap superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. Moi je suis mad et je viens du 9-4, là où j'ai appris à me battre, de batteur qui bat les bad boys, alors qu'à l'époque, faut kiffer des bad boys sur la Game Boy. Dans le temps, je mangeais que des biscottes et les salopes à l'école, c'était les mascottes. Aujourd'hui on les boycotte sur la côte, ouais. Été remplacé par les barbales pour faire de la maille, car là-bas ça défouraille. Que des fous qui se fourrent pour des rails. Si tu veux du bullshit, bien pichon, arrache-paille. Si tu préfères d'un peu air, bienvenue au chapon vert. Équipe de cancer, trop amer. Quand il s'agit de squatter terre-terre, on te laisse par terre, rampé comme un verre de terre. Alors si tu veux insulter nos mères, viens le faire en face. Si t'es pas un lâche, moi j'aime pas les fâches. Pour eux y'a la hache, et je dédicace à mon 9-4-1-1-0. O-M-I-T-R-O. Quand je t'imposais avec Vino et putain de son en homme, plus puissant que du plutonium. Alors remballe avec ton rap en aluminium. Même si t'es mignonne, car ici ça cogne sévère. Et ça, ça s'entend dans nos verres. So you wanna be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. To be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta pas du rap de gentilhomme, je t'annonce la vérité crue comme elle est. Pour voir des morts, des fusillades, pas besoin d'allège qu'elle est. Ça part en couille, ça baisse même des travaux, bois debout. Déterminé, ça tire, on bouge pas, reste droit debout. Et si suis son zizir sur les rails du RER. Et c'est comme ça, tous les jours, le même parcours, la politique, les mêmes discours. Pour nous, aucun recours, on se demande pour sous combien on en court. Tout que coûte, faut faire de l'argent, mais comment? Toutes les tafs nous refoutent, donc pas d'autre moyen que de prendre la voie illicite. C'est l'État qui a fait l'effet que je cite. Qu'on en soit tous là, vendre ce putain de shit, assumer des putains de loin. Je pourrais extérioriser cette putain de vie pour laquelle on sait qu'il n'y a pas d'avenir. Mon but, c'est riche que je voudrais devenir. Donc donnez-moi un taf qui peut me convenir. Vas-y, tire une taf, c'est du bon, fais-toi plaisir. De nos jours, la tôle n'est frais plus personne. Et si ce sera, c'est moi qui ai crevé ton Harley Davidson. C'est encore les négros du 9-4 au mic. Je rage des bastos au bâtard, ton espèce. Votre cul du sang, je mets en pièce, c'est ça, remplis mon sac et vite ta caisse. Braquage lyrical, vas-y, envoyez les lofs. Démarrage hold up et en deux spies, je m'arrache à bord ma go avec Picsou et Don Leon. C'est comme ça que ça te donne. Paye NO, check au microphone. C'est ça, les gars, écoutez ouais, ça. Ouais. Ah, ouais, ouais. 2005-2006 pour Urban Eriksa. Banlieue superstar. Ouais. Ouais. So you wanna be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. To be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. Je me promène dans ma jungle où les os des deux traits peuvent craquer comme des springles. J'ai la peur cassée, mon coup de gueule. Si tu me cherches, ne le fais pas sur Google. Au fait, je me prénomme Don Leon, ma vieux comme Corleone. Nettoyeur comme Léon qui te baillonne. A part ça d'ailleurs, j'ai rien d'aïe ou voix. Je viens du 9-3, mon Détroit, où tu dois te rester droit. Sinon, mets-toi à droite, ou tiens-toi plutôt à droite. Car les vins te laisseront pas joie. L'écrasement de terre, même le sol, c'est la rue et ses habitudes. Ta tronche marquera le bitume. Puis une fois qu'il est seul, pourquoi ne bronche-t-il plus de petites putes dans son style pub? Comme ce MC qui titube entre deux petites tubes. Bref, à l'ancienne, le petit gars paraissait calme, mais tes gars, on ne se pétait pas le crâne. Aujourd'hui, nos activités ainsi que nos actes agités sont régentés par le shit. Et on paraît au JT comme des gens dérangés, des zombies, des gens qui ne peuvent plus cogiter. Le stem s'y fout notre esprit dans cet état disjoncté. À vouloir Kenny ou faire un chat avec les condés, c'est ça ma réalité. Oh, oh, oh. So you wanna be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. To be a rap superstar and live large, a big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly.